Yahweh, il n'y a que toi. Est-ce que vous pouvez vous lever avec moi? Je vais qu'on prie ensemble. Je mnaweza simama pamoja nami na itaji tuombe pamoja. Tout le monde se lève s'il vous plaît. Kila mtu asimame tafadhali. On va dire quelque chose à Dieu. Tutamwambia Mungu kitu. Levons nos mains ensemble. Nous allons prier ensemble. Tunyoshe mikono yetu pamoja tutamuomba Bwana pamoja. Dites avec moi. Sema pamoja nami. Père céleste. Baba wa mbingu. Nous te bénissons pour la pluie. Tunakubariki kwa ajili ya mvua. Parce que tu es le créateur. Sababu wewe ni mumbaji. Des nuages. Wa mawingu. Tu créas les nuages. Ukaumba mawingu. Et tu créas les mécanismes qui produiraient la pluie. Na ukaumba mbinu ambazo zitatengeneza mvua. La physique de la pluie. Ukaunda mbinu za mvua. La chimie de la pluie. Ukaunda mbinu za mvua. Et tu créas le mécanisme qui garderait les nuages là haut. Na ukaunda mbinu ambazo zitalinda mawingu huko juu. Je te loue Seigneur. Parce que tu créas Lucifer. Sababu kamumba Lucifer. Même s'il s'est corrompu. Hata kama aliweza kutenda dhambi. C'est toi qui l'as créé. Ni wewe ndiye uliyemumba. Et tous les anges. Na malaika wote. Je te bénis grand Dieu. Nakubariki Mungu mkubwa. Car ce jour. Maana siku hii. C'est toi qui l'as créé. Ni wewe ndiye kaiumba. Et ce rendez-vous. Na mkutano huu. C'est ton rendez-vous avec les enfants, tes enfants. Mkutano wako pamoja na watoto wako. C'est ton rendez-vous avec nous. Ni mkutano wako pamoja nasi. Nous te bénissons. Tunakubariki. Car tu es grand. Maana wewe ni mkubwa. Tu es puissant. Wewe ni mwenye uwezo. C'est toi qui agendes l'existence. Na wewe ndiye unayezaa. Tu as engendré la nation. Umezaa taifa. Tu as engendré le Congo. Umezaa Congo. Tu as engendré Goma. Umezaa Goma. Et ses environs. Na tu as engendré la région des Grands Lacs. Umezaa et tout ce qui s'y passe. Na yote yanayopitikana. Et sous ton contrôle. Inakuwa chini ya uongozi. C'est toi éternel qui es Dieu. Bwana wewe ndiye Mungu. C'est toi éternel qui es Dieu. Wewe Bwana ndiwe Mungu. Tu me plaças à Goma. Ukaniweka Goma. Tu m'as donné l'occasion d'être ici en ce moment. Na ukanipa fursa ya kuwa hapa kwa wakati huu. Tu m'as mené dans ce rendez-vous avec toi. Umenileta ndani ya mkutano huu pamoja nawe. Afin que tu m'enseignes. Ili kwamba unifundishe. Comment me dégager. Namna gani kujifungua. Du sceptre de la méchanceté. Toka fimbo ya uovu. Oh Dieu. Eh Mungu. Je suis au rendez-vous. Niko hapa kwenye mkutano. Je viens d'arriver. Nimefika tayari. Toi tu es déjà là. Wewe uko hapa tayari. Mais mon frère est encore en route. Na ndugu yangu wangali njiani. Hapse pas. Wendo karakise miguu zake. Dégage-le. Na wende ukamfungue. Toka fimbo ya uovu. Facilite lui d'arriver. Wende ukamrahisishe kufika. Kwa jina la Yesu Kristo. Et vous puissance de l'air. Puissance de l'air. Wewe usimame. Puissance de l'air. Uwezo anga. Vous avez été créé. Mumeumbwa. Comme ange pour servir Dieu. Kama vile malaika kwa kumtumikia Mungu. Mais vous êtes insurgé. Na nyenye mukamuinukia. Mais vous êtes inscrit. Na mukaingia. À faux. Kwa uongo. Contre l'Éternel. Kwa Bwana. Nous vous rappelons. Tunawakumbusha. Que vous êtes soumis. Ya kwamba mnatiishwa. Vous êtes soumis. Mnatiishwa. Vous êtes soumis. Mnatiishwa. Vous êtes soumis. Mnatiishwa. À l'Éternel. Kupitia Bwana milele. Au nom de Jésus-Christ. Kwa jina la Yesu Kristo. Nous vous rappelons. Tunawakumbusha. Que vous êtes soumis. Ya kwamba mnatiishwa. À l'Éternel. Kwa Bwana. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Maintenant soumets-les. Sasa wende kuitiisha. Soumets-les. Itiishe. Soumets-les. Itiishe. Soumets-les. Itiishe. Nous vous soumettons. Nous vous soumettons à l'obéissance à Christ. Nous vous soumettons à l'obéissance à Christ. Nous vous soumettons. Nous vous soumettons. Nous vous soumettons. Vous n'avez ni pas. Vous n'avez pas de part dans cette rencontre. Vous n'avez pas de part dans ce GI. Au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, fais ton entrée. Éternel, fais ton entrée. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci, roi de gloire. Bénis ta parole. Bariki neno lako. Bénis ton peuple. Bariki watu wako. Bénis la ville de Goma. Bariki mji wa Goma. Atteins tes objectifs. Fikia lengo zako. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Tunashangilia Bwana. Alléluia. Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Abariki mfalme ajaye kwa jina la Bwana. Il est Seigneur et il n'y en a point d'autre. Yeye ni Bwana na hakutakuwa mwingine. Dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Dans les cieux, dans les cieux. la terre. Sous la terre. Et soumis à jamais. Amen. Amen. Salut celui qui est à côté de toi. Msalimu aliye karibu nawe. Sans le toucher. Bila kumgusa. Dis-lui. Mwambie. Nous sommes au deuxième jour. Tuko kwa siku ya pili. Et le sceptre de la méchanceté. Na fimbo ya uovu. Ne restera pas sur ton lot. Haitabaki tu ya sehemu yako. Dis-lui avec assurance. Mwambie na uhakika. Le sceptre de la méchanceté. Fimbo ya uovu. Ne va plus demeurer sur ton lot. Haitaweza kubaki tena juu ya sehemu yako. C'est ça la raison de notre présence ici. Na hii ndio sababu ya kuwa kwetu hapa. Alléluia. Amen. Allons dans Psaume 125. Twende ndani ya kitabu cha Zaburi 125. Verset 3. Musari wake wa 3. Et nous le disons par cœur. Na tunaisema kwa moyo. Car maana, on peut y aller. On l'a pamoja. Mémorisé hier. Tuliweza kuishika jana. Est-ce que vous êtes là? Je muko hapo. Vous m'attendez au fond? Je mnasikiliza huko nyuma. On vous ajoute le son? Ongeze sauti. Est-ce que ça va? Je mambo ni sawa. Faites signe si ça va. Onyeshe kama ni sawa. OK. Allons-y ensemble. Twende pamoja. Psaume 125 verset 3. Zaburi 125 verset 3. 1 2 3. Car Anna, le sceptre de la méchanceté fimbo ya uovu, ne restera pas sur le lot des justes. Itabaki tu ya sehemu ya wenye haki. Afin que les justes wenye haki. Hein? Mm-hmm. On y va encore une fois. Tunasema tena mara moja. Maana afin que le juste ili kwamba mwenye haki ne tende pas les mains asiweze uwekea mikono yake vers l'iniquité kuendea mabaya. Le juste wenye haki. Nous avons partagé hier en introduction sur le sceptre. Tuliweza kuzungumzia jana juu ya fimbo tulipoanzilia. Nous avons partagé sur le lot. Tuliweza kuzungumzia juu ya sehemu. Nous avons partagé sur le sceptre. Tuliweza kuzungumzia juu ya fimbo. Sur le juste. Na juu ya mwenye haki. Également. Juu ya mwenye haki. Et nous avons vu l'expérience. Na tuliweza kuona. D'un homme. Maisha ya mtu. David. Daudi. Qui a compris ce phénomène là. Baya aliweza kuelewa tukio hili. Et qui a compris que na mbaya alielewa ya kwamba ce qui le concernait. Kwa ile ambayo ilikuwa namhusu. Ce n'était pas permis. Haikukuwa naruhusiwa. Dans 1 Samuel chapitre 30. Ndani ya kitabu cha Samueli wa kwanza sura 13. Du premier au 20e verset suivant. Kuanzia mstari wa kwanza hadi 20 na kadhalika. Nous avons vu cet homme. Tuliona mtu huyu. Qui revient. Ambaye anarudi. Dans son village. Ndani ya kijiji chake. Et qui trouve. Na ambaye anakuta. Que son village a été pillé. Ya kwamba kijiji chake kimeibwa. Son village a été brûlé. Kijiji chake kimechomwa. Et que tout a été emporté. Na yote imeweza kupelekwa. Regardez cela dans ta Bible. Tazama hiyo ndani ya Biblia yako. Que ce soir. Ningependa jioni ya leo. Nous puissions regarder un aspect. Tuweze kuangalia kitu kimoja hapo. Et puis on va prier. Na kisha tutaomba. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Psaume 30, plutôt 1 Samuel 30. Samueli wa kwanza sura 13. À partir du verset 3 et suivant. Kuanzia mstari wake wa 3 na kuendelea. Il est écrit. Imeandikwa. Alors, lisons ensemble. Tusome pamoja. Allons-y. Twende pamoja. Alors, est-ce que vous êtes là? Je peux y aller? Je tunaweza kusoma. Verset 4. Mustari wa 4. Alors, alafu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez lu? Je m'umesoma. Combien ont lu? Wangapi wamesoma? Ok. Écoutez-moi une fois. Munisikilize. À partir du verset 4. Kuanzia shaini la ine. David revient dans son village. Daudi anarudi ndani ya kijiji chake. Chiklad. Pasikilagi. Le village est pillé. Na kijiji chake kimeibwa. Et tous ensemble. Na wote pamoja. Commencèrent à pleurer. Wakaanza kulia. La Bible n'indique pas s'ils ont pleuré pendant combien de temps. Mais ce soir, je voudrais que tu puisses regarder ceci. David, Daudi, fut dans une grande angoisse. Car le peuple parlait de lapider. Mana watu walikuwa wanasema watampiga mawe. Tous avaient de l'amertume dans l'âme. Mana watu walikuwa na uchungu chacun mioyoni mwao. À cause de ses fils. Kila mtu sababu ya wanawake na binti zake. Verset 4. Shaili la ine. David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix. Daudi na watu walioko pamoja naye wakainua sauti. Et pleurèrent. Na wakalia. Jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force. Mpaka wakati hawakukua tena na nguvu ya kulia. Écoutez-moi, frères et sœurs. Munisikilize ndugu na dada. Il y a trois choses una vitu vitatu que je voudrais vous montrer. Ambavyo ningependa niwaonyeshe. La première, kitu cha kwanza, c'est le besoin de l'évaluation. Inakuwa ni hitaji ya kupima. Le besoin de l'évaluation. Hitaji ya kuchunguza ama kupima. Lorsque tu comprends que tu es sous le coup de la méchanceté. Wakati unaelewa ya kwamba uko chini ya uovu. Lorsque frère sœur, wakati ndugu na dada, tu es sous le coup du sceptre de la méchanceté. Unakuwa chini ya utawala ya ifimbo ya uovu. Tu as besoin d'évaluer la situation. Unahitaji kuchunguza hali. Tu as besoin de mesurer la situation. Unahitaji kupima hali. Tu as besoin de voir clairement ta souffrance. Unahitaji kuona kiwaziwazi mateso yako. Tu as besoin de voir clairement la servitude dans laquelle tu te trouves. Tu as besoin de voir clairement les conséquences. Matokeo. Vous avez déjà observé ceci dans notre société. Il y a un deuil quelque part. Et puis un monsieur qui est habitué à pleurer. Na kisa kuna mtu ou une ambaye, femme qui est habituée à pleurer, elle passe par là. Kisa mwanamke ama mwanaume ambaye anazoea kulia na vous n'êtes même pas en train de pleurer. Na anaona ya kwamba nyinyi hamko mnalia hata. Elle entre dans la parcelle. Naye anaingia ndani ya kiwanja. Elle commence à pleurer. Anaanza kulia. Elle commence à pleurer. Anaanza kulia. Elle pleure plus que vous. Analia sasa kuwashinda nyinyi wenyewe. Et puis après elle pose la question. Na kisa anauliza swali. En fait, c'est qui est mort? Nani mwenyewe amekufa? C'est qui là? C'est le papa ou la maman? Ni nani ni baba au mama? On n'avait pas encore mis la photo. Walikuwa hawajaweka picha. Elle a pleuré. Amelia. Mais tu as pleuré quoi? Lakini umelia nini? Si un incident arrive. Kama kuna kuwa ajali. Supposons les bandits arrivent. Tufikirie kwamba mabandi wanalia. Ama masasi nalia. Il y a des crépitements de balles en ce moment qu'elle commence à pleurer. Masasi nalia wakati inapiga wakati anaanza kulia. Elle va être aussi la première. Atakuwa wa kwanza. Disparaître de la parcelle. Kutoweka na kimbia toka ndani ya kiwanja. Parce qu'en fait. Sababu. Est-ce qu'elle est en train de pleurer? Je iko nalia. Elle n'a pas évalué. Hajachunguza. La douleur. Kipimo. Le coup. Kipimo cha uchungu. De la souffrance. Mateso. De la perte de cette personne. Ya kupoteza kwa mtu huo. Quand vous allez dans certains deuils, mnapoenda ndani ya kilio fulani, vous constatez que les gens sont inconsolables. Unaona ya kwamba watu kabisa simplement parce qu'ils ont évalué la perte. Sababu wamepima ile ambacho wamepoteza. C'est l'homme pilier de la famille. Ilikuwa ni mtu ambaye alikuwa mtu wa maana sana ndani ya jamaa. C'est la femme mère de la famille. Ilikuwa mwanamke ambaye alikuwa mama wa jamaa. C'est auprès d'elle que tout le monde trouvait des solutions. Ni kupitia yeye watu walipata suluhisho. Et les gens sont inconsolables. Na watu hawawezi kufarijika. Qu'est-ce qui se passe? Nini napitikana? Les gens évalue watu wanapima la perte ile kupoteza. Beaucoup de chrétiens wa kristo wengi so fade wanabaki charnel wanabaki wa kimwili mort wanakuwa kama vile wamekufa ou morne wanakuwa wamebaki fasi moja Parce que sababu, ils n'ont jamais été capables de s'arrêter hawatakuwa na uwezo wa kusimama, pour évaluer le dégât diabolique sur leur vie. Ili waweze kupima na kuchunguza madhara ya shetani juu ya maisha yao. Nous avons l'habitude de juste regarder la facette qui cligne, qui brille, qui est accessible de la souffrance. Regardez. Tazama. Quand le sceptre de la pauvreté est sur ta vie, wakati fimbo ya umaskini iko juu ya maisha yako, tu es juste en train de voir la facette. On n'a pas à manger, on n'a pas d'argent pour se faire soigner. On a pas. C'est juste cette facette que tu vois. Hauna pesa juu jitunzishe. Mais laisse-moi te dire, lakini acha nikwambie, que lorsque le diable te soumet sous le coup de la pauvreté, ya kwamba shetani anapokuweka chini ya utawala wa umaskini, son intention itaji yake n'est pas juste te faire manquer à manger. Si kwamba ukose tu chakula. Il poursuit plusieurs objectifs en même temps. Anakuwa anafuatilia shabaha nyingi zaidi kwa wakati mmoja. Parmi lesquels, ambamo ndani mwake, il veut te rendre honteux, t'humilier. Anapenda kuhayarisha, upate haya. Lorsque tu n'as pas eu à manger, tu dois aller chez les autres. Wakati hukupata chakula utaenda kwa wengine. Quand tu manques à manger, wakati unakosa chakula, tu ne te rends pas compte, haugundui, que le diable, ya kwamba shetani, il y a d'autres choses, kuna vitu vingine, qu'il est en train d'atteindre, ambavyo iko navifikia maishani mwako. Lorsque le diable te propose, wakati shetani anakuja kukuonyesha, l'impudicité, anakupatia usinifu, il te montre juste le plaisir, anakuonyesha tu ile anasa. Mais il te cache les autres réalités. Lakini anakuficha ukweli mwingine. Il te cache le VIH. Anakuficha ukimwi. Les IST. Anakuficha magonjwa ambayo unapitia kwenye ngono. Il te cache. Anakuficha les grossesses qui peuvent s'en suivre. Ujauzito ambao unaweza kufuata. Il te cache beaucoup de choses. Anakuficha vitu vingi. Et si tu es quelqu'un, na kama uko mtu, qui ne prend pas le temps d'évaluer le coup du diable sur toi, ambao uchukue muda wa kupima ile utawala wa shetani juu yako, tu vas sauter dedans. Utarukia humo ndani. Tu vas dire à quoi, qu'est-ce que je perds? Utasema basi ndapoteza nini? Tu auras beaucoup perdu. Utakuwa umepoteza vitu vingi. Sans le savoir. Bila kujua. Premier besoin, mon frère. Itaji ya kwanza ndugu yangu. Évaluation. Dis à ton frère, évalue ta souffrance. Ambia ndugu yako, pima mateso yako. Évalue. Pima. Pourquoi David et tout son peuple pleurent jusqu'à perdre le souffle? Sababu gani Daudi na watu wake wanalia mpaka wanapoteza hata nguvu ya kulia? Parce qu'ils évaluent. Sababu wanapima. Le dégât. Wanaona madhara hiyo. Qu'est-ce que leur dégât? Madhara gani ambayo umetokea? Plus de femmes. Hakuna tena wanawake. On vient d'arriver. Tumefika. On va dormir où? Tutalalia wapi? Les maisons sont brûlées. Nyumba zimeunguzwa. Donc on doit recommencer à construire. Ni kusema tutaanza tena kujenga. Les bois. Inomba twende tukate tena miti. Il faut chercher la paille. Inomba kwenda kutafuta nyasi. Ou il faut fabriquer des briques. Ama inomba kutengeneza matofali. On a tout brûlé. Wamechoma yote. Or quand j'avais construit ma maison, nitapokuwa nilipojenga nyumba yangu, ça m'avait pris 6 mois. Iliweza kunichukua miezi 6. Donc c'est dans 6 mois que je vais dormir dans une maison. Nikusema nitalala ndani ya nyumba kisha miezi 6. Quand j'avais marié ma femme, nilipomuoa mke wangu, ça m'a coûté comme à Jacob 14 ans. Niliweza kupoteza miaka 14 kama Yakobo. Mais elle vient de partir. Lakini ameenda. Quand j'avais eu mon mari, nilipompata mume wangu, c'était après 37 ans. Ilikuwa kisha miaka 37. Mais il y a une prostituée qui vient de l'arracher partir avec. Na kisha kuna kahaba ambaye amemponyosha ndani ya mikono yangu na mimi naye. Nitafanya nini? Pour avoir un autre mari. Ili nimpate mume mwingine. J'évalue. Ninapima. David évalue. Daudi anapima. On a pris tous ces deux femmes. Wamechukua wanawake wake wote wawili. Abigail la sage. Abigail mwenye hekima. Abigail. Abigaili. Pour la voir. Ça m'a coûté de tuer son mari. Ça m'a coûté une prière, une longue prière où j'ai perdu un enfant. Et ça me coûte jusque maintenant. Elle vient de partir. Il y a des méchants qui l'ont emporté. Kuna waovu ambao wamemtoa. Qu'est-ce que tu as perdu, frère? Umepoteza nini, ndugu? Quel est le jour? Quel est le sceptre du diable sur ta vie? Ni nini fimbo wa shetani juu ya maisha yako? Évalue un peu. Pima kidogo. C'était le sceptre du divorce. Ilikuwa ni fimbo ya kuachana ndani ya ndoa. Évalue un peu. Pima kwanza kidogo. Les gens qui n'ont pas évalué, watu ambao hawakupima, ya kwanza, ne seront pas pleurés. Hawataweza kulia. Deux, ya pili, n'iront pas à la guerre. Hawataenda kwenye vita. Trois, ya tatu, ne vont pas retrouver leur lot. Hawatapata sehemu yao. C'est fini. Imekwisha. Quel est le genre ou la nature de ce genre de personnes? Watu kama na hawa wanakuwa na hali gani? C'est des personnes ni watu qui ont des difficultés dans leur fonctionnement. Ambao wana hukumu ndani na namna yao ya kutumika. De fonctionnement des difficultés. Mtumikio yao inakuwa na shida. Pourquoi on t'a pris ta femme? Sababu gani wamekuchukua mke wako? Et tu trouves ça comme normal. Na kisha wewe unaiona tu kama kawaida. Ndivyo, okay, bana mke ni ba mingi bwana, ndato la mingi. Ya beaucoup de femmes. Et puis on a beba. Et puis toi tu prends. Tu prends une autre. Unachukua mwingine. Eh. Mm-hmm. Allons-y. Twende tu. On va voir bientôt. Tutaona baadaye. On va voir. Tutaona. On a pris tous les biens de David et ses hommes. Wamechukua mali tous les butins qu'ils avaient déjà ramassés. Nyara sote ambao walikuwa wameshika. Durant leur période de guerre. Ndani ya wakati wao wa vita. Les Amalécites, ils sont partis avec. Wamaleki wameenda pamoja naye. Ça m'a pris des années. Imenichukua miaka. Pour réunir les richesses que j'avais déjà. Ili kwamba nikusanyishe mali ambayo nilikuwa nayo. Mais un jour, un matin. Lakini kwa siku moja, asubuhi moja. Des méchants. Watu waovu. Le sceptre de la méchanceté. Fimbo ya uovu. Est venu tout emporter. Imekuja na kutoa yote. Regardez. Tazama. Lorsque le sceptre de la pauvreté est sur ta vie, wakati fimbo ya umaskini iko juu ya maisha yako, regarde cette évaluation. Tazama hii kuchunguza. Tu mets au monde des enfants. Unawazaa watoto. Tu ne sais pas les faire scolariser. Hauwezi kuwakomalisha na kuwapeleka kwenye masomo. Tu ne sais pas les nourrir. Hauwezi kuwalisha. Tu ne sais pas les vêtir. Hauwezi kuvika. Conséquence. Matokeo mbaya. Ses enfants watoto hao se posent la question. Wanaanza kujiuliza maswali. Notre maman là, elle va tout le temps à la prière. Ule mama ule sanaendaka kila siku kwa maombi. Le Dieu qu'elle prie là. Ule Mungu ambaye anamuomba ule. Ça doit être un faux Dieu. Anapaswa kuwa Mungu wa uongo. Est-ce que ta pauvreté t'a déjà fait penser à ça? Je umaskini wako umesha kuacha unafikiria hii? Que un jour ya kwamba siku moja mes enfants watoto wangu vont renier Dieu watamkataa Mungu. Quand le diable a mis sur toi le sceptre de la maladie, wakati shetani ameweka juu yako fimbo ya ugonjwa, et il persiste, na magonjwa yanadumu, tu pries rien, unaomba wapi? Tu vas à l'hôpital rien, unaenda hospitalini wapi? Finalement, quel est le résultat? Matokeo ni gani? Je vous ai dit le matin. Nimewaambia asubuhi. Nous nous sommes déjà un peu comblés dans beaucoup de choses. Tumeshajiingiza na kujifurahisha ndani ya vitu vingi. Nous prenons aussi dans la parole. Na ambao tunavichukua ndani ya neno. Il y a certains versets. Kuna shahidi zimoja. Comme. Kama vile. Ni mapenzi ya Mungu. C'est la volonté de Dieu. Rendez grâce à Dieu pour toutes choses, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Shukuruni Bwana kwa mambo yote sababu hii ndio mapenzi ya Mungu ndani ya Yesu Kristo. Je, mmeshasoma hii? Mais ce verset est vrai. Lakini shahili hili ni kweli. Agur a dit. Agur akasema. Seigneur, Bwana, ne me donne pas beaucoup et ne me donne pas un peu. Usinipatie mingi na usinipatie kidogo. Est-ce que tu évalues ce que tu dis? Je, unapima ile ambayo unasema? Mon frère, ndugu yangu, ton mari est parti depuis longtemps. Mume wako ameenda tangu zamani. As-tu vraiment évalué les conséquences? Je, umeweza kabisa kupima matokeo ya hiyo? De ce sceptre sur ta vie, ya hiyo fimbo juu ya maisha yako. C'est un de ces genres d'hommes, ils reviennent quand ils, à la vieillesse pour que tu prennes soin de lui pour l'enterrer bien. Waume kama na hao wanarudiaka wakati wamezeeka ili uweze kumshughulikia vizuri ili umzike vizuri. Parce que les autres là prostituées autres ne vont pas les prendre bien en charge. Sababu wale wengine quand ils le verront malade, ils vont l'abandonner, il va rester mourir seul dans une maison. Wakati watamuona ni mgonjwa watamuacha na kufia yeye mwenyewe ndani ya nyumba. Alors il court rapidement chez sa femme. Na kisha nakimbilia haraka kwa mke wake. Pour dire pardonne-moi. Il lui a demandé unisamehe. Tu viens parce que tu veux mourir. Unakuja sababu unatamani. Quand tu avais les énergies, tu étais parti. Ulipokuwa ungali na nguvu ulienda. Quand tu pouvais te battre lorsque les ennemis entrent dans la maison, tu avais les forces. Pigana wakati madu wanaingia ndani ya nyumba na umeenda huko. Il y a plus rien. Sababu wakati hakuna tena malade, kitu. Unagonjwa. Tu reviens pour que je prenne soin de toi. Unarudi ili wewe sasa mimi niweze kuhudumia. Est-ce que cette maman a évalué? Je mama huyu amepima. De cette méchanceté là. Kipimo ya ile uovu ile. Que c'est méchant quoi. Ni uovu sana. Et quand il revient? Na naporudi. C'est toi qui lui enlève les caca. Wewe ndio unaanza kuondoa mavi yake. Tu le soulèves pour l'amener à l'hôpital. Unamnyangula kwa kumpeleka hospitalini. Il est foutu. Kabisa amepondekana. Même quand tu peux dire je vais lui faire du bien, ni mutafutie chakula ka, ni muchome kakuku, il n'est même pas capable de jouir de ça. Même lorsque tu veux griller pour lui un poulet, ce n'est plus possible. Hana tena meno ya kuikula. La joie du couple n'existe plus dedans. Furaya ndoa ya ndoa haiko. Et il est de retour. Na merudi sasa. Accepte la méchanceté est mauvais frère. Fimbo ya uovu iko mbaya sana. Que c'est méchant, que c'est mauvais même. Ni mbaya sana. Mais est-ce que tu as évalué, est-ce que tu as déjà pris conscience? Lakini je umesha de la gravité de la chose. Ya uovu wa ile kitu. Et quand tu as pris conscience, tu as évalué quelle décision tu as pris? Na wakati umepima, umekamata uamuzi gani? Lorsque nous regardons ces hommes pleurer, wakati tunaona hao wanaume wakilia, si c'était des femmes, on allait comprendre que yo, les femmes elles pleurent facilement. Ingekuwa ni wanawake tungesema ni wanawake wanalia kaburi. Avez-vous vu beaucoup pleurer dans les deuils? Je, umeshaona wanaume wengi wanalia ndani ya kilio? Mnawaonaka? Est-ce que vous les voyez? Ils viennent là, on a l'impression que ce sont des sorciers. Wanakuja même pas une goutte de larmes. Unawaza kama ni ils sont juste là, ils commencent à poser des questions. Bon, programme quoi? Quel est le programme? Nous autres pleurs, vous demandez le programme. Si tuko tunalia, nyinyi mnaomba tu mpango. Et les femmes entrent dans les salons. Elles s'asseyent par terre. Elles se tirent par terre. Et les hommes sont dehors en train de vérifier quel est le programme. Na wanaume wako nje wako wanachunguza mpango ni gani? Vous êtes des sorciers kama walozi. Bon, c'est vrai, les hommes, ils doivent décider pour le programme en fait. Mais dans ces cas ici, ce sont les hommes qui pleurent. Avez-vous vérifié ça? Ce sont les hommes, il n'y a pas de femmes ici. Ce sont les hommes qui pleurent. Et ils pleurent jusqu'à perdre la force de pleurer. Vous savez, les hommes sont forts. Ils viennent de la guerre. Ils sont énergiques. En guerre. Ils ont tué les gens. Ils ont couru. Ils ont boxé. Maintenant, ils pleurent. Et il n'y a plus de force. Ils ont utilisé toute leur énergie, comme on dit au Congo. Ils ont pleuré avec leur dernière énergie. Et puis la dernière énergie est finie. Il leur faut une évaluation. ils doivent bien voir la gravité du problème pour qu'ils aient un minimum de force pour repartir et aller combattre. Bwana sifiwe. Amina. J'ai dit la première chose c'est quoi? Nimesema kitu cha kwanza ni nini? Évaluer. Ni kupima. Je te donne 2 minutes. Nakupatia dakika 2. Évalue pour toka. Anza kuchunguza kupima juu ya hali yako. Et tu notes quelque part. Na unaandika nafasi fulani. Quelle est la gravité des choses que tu vis? Ni nini uhatari ya vitu unavyoviishi? Note. Andika. Que c'est grave. Ni hatari. Que c'est grave. Ni hatari. Deuxième chose. Kitu cha pili. Qui a aidé David et ses hommes. Ambayo iliweza kuwasaidia Daudi na watu wake. C'est l'évaluation des visées du méchant. Ilikuwa ni kupima ila ambayo maadui walikuwa wanafuatilia. Quand le méchant me fait ça, wakati adui ananifanyia hivi, alikuwa anafuatilia nini? Qu'est-ce qu'il atteint comme objectif? Ni nini anayoifikia kama shabaha? Quand le diable t'arrache ton mari, wakati shetani anakutoa mume wako, qu'est-ce qu'il vise? Anakuwa anatafuta nini? Il veut arriver à quoi? Anahitaji kufikia nini? Quel résultat il veut atteindre? Matokeo gani anahitaji kuyafikia? Quand le diable bloque ton ministère, wakati shetani anazuiza huduma yako, qu'est-ce qu'il veut atteindre? Anahitaji kufikia nini? Qu'est-ce qu'il veut atteindre? Anahitaji kufikia nini? Quelles sont ses visées? Ni nini anayoifuatilia shabaha zake? Maintenant, sasa la population a été emportée, les femmes et les enfants. Wakaaji les richesses, les brebis. Wanaume, watoto, l'or, l'argent. Pesa, tout est emporté. Mali yote imepelekwa. Qu'est-ce que le méchant visait? Adui alikuwa anafuatilia shabaha gani? Est-ce que c'est au hasard? Je, ilikuwa tu kiolela? Non. Hapana. Est-ce qu'il vous arrive de prier? Je me wafikiria kuomba. Et vous avez vraiment prié. Na umeomba kabisa. Et quand vous avez fini de prier, na wakati umemaliza kuomba, vous dites, unasema, Seigneur, Bwana, si tu existes, kama uko, exauce-moi non? Si unijibu basi. Et si vous avez retenu la phrase, je umeshika hii msemo, Seigneur, Bwana, si tu existes, kama uko. Toi, tu me demandes si j'existe. Wewe unaniuliza kama mimi niko. Certains, wamoja, lorsqu'ils sont sous le sceptre de la méchanceté, wakati wako chini ya fimbo ya uovu, le diable est en train de chercher à les attirer à lui-même. Shetani iko natafuta kuwavutia kwake yeye mwenyewe. Il veut vous amener chez lui. Anahitaji awapeleke kwake. Il veut vous décourager de Dieu. Anahitaji awavunje moyo. Il veut vous montrer que Dieu est mauvais. Anahitaji aonyeshe kwamba Mungu ni mbaya. Que lui Satan il est bon. Na yeye shetani ni mzuri. Et puis, na kisha, vous êtes ainsi découragé. Unavunjika moyo. Et vous cessez de prier. Na unaacha kuomba. Et quand on vient vous dire, viens, on va aller prier, c'est les grâces et sondables. Vous dites, j'ai déjà prié suffisamment. Ah, ça, c'est le cinquième grâce et sondable. Il n'y a pas de temps. J'ai commencé à prier, je ne vous avais pas encore mis au monde. Voyez-vous maintenant, vous avez des barres, vous avez grandi. Jusqu'au jour où ce Dieu-là ne m'a pas encore exaucé. Ça arrive à quelqu'un de réfléchir comme ça. Qui gagne? Et quand la chose a commencé à arriver depuis que tu étais encore jeune fille et tu as mis au monde des enfants et tu as grandi, tu as même vieilli, tu n'es pas encore exaucé. Na wakati kitu hii imefika ulikuwa kijana na sasa umezeeka. Quelle était la visée du diable? Shetani alikuwa anafuatilia nini? Anafuatilia nini ndani ya hii? Qu'est-ce qu'il vise? Anafuatilia nini? Il vise plusieurs choses. Anafuatilia mambo mengi. La première qui est élémentaire. Jambo la kwanza ambalo ni la souffrance. Inakuwa ni mateso yako. Il vise ta souffrance. Anafuatilia mateso yako. La deuxième. Jambo la pili. Il veut éprouver ta foi. Anahitaji apime imani yako. La troisième visée. Fuatilio la tatu. Il veut voir dans quelle mesure il peut te retirer de Dieu. Anahitaji aone kwa kipimo gani anaweza kuondoa ndani ya Mungu. La quatrième. Na ya nne. Il fait des efforts. Anajikaza. Pour te délivrer de Dieu. Ili kwamba kufungua utoke kwa Mungu. Nous voulons délivrer notre lot du diable. Lui veut nous délivrer, nous arracher de chez Dieu et nous prendre. Tunahitaji kuondoa sehemu yetu ambayo iko kwa shetani na anahitaji atondoe kwa Mungu atutoe. Des visées macabres. Inakuwa ni shabaha mbaya sana. Malheureusement, bahati mbaya, la plupart d'entre nous, wengi kati yetu, quand nous sommes sous le sceptre de la méchanceté, wakati tuko chini ya fimbo ya uovu, nous sommes comme sous opium. Sous drogue. Tunakuwa kama vile tunakuwa chini ya dawa za kulevya. On s'accoutume à la souffrance. Tunaanza kuzoea mateso. On s'accoutume à la méchanceté. Tunaanza kuzoea uovu. On commence à vivre avec. Tunaanza kuishi nayo. Ou alors on va chez le diable. Ama tunaenda kwa shetani. Pour chercher les solutions pour sortir de sa souffrance. Ili tutafute suluhisho ili tutoke ndani ya mateso yake. Odi Satan, est-ce que tu peux m'aider? Unasema shetani ndio unaweza nisaidia? Un peu comme le rat qui vous ronge les doigts et les pieds. Ni kama vile panya ambao yuko na kuluma mguu na vidole. J'ai été rongé 10. Moi j'ai déjà été rongé aussi. Mimi nimeshaumwa na panya. Combien aussi ont déjà été rongés par les rats? Wangapi ambao wameshaumwa na panya? On est nombreux quoi. Tuko wengi. Et quand les rats te rongent, na wakati panya mekuluma, iko na puliza. Inakuwa iko na puliza kabisa. Pour que tu ne sentes pas, c'est le matin que tu constates que les doigts. Ni asubuhi ndipo unagundua kwamba vidole vyako kabisa vimeumwa. Il a épliché les orteils et les doigts. Ameondo akucha. Le diable est prêt. Shetani iko tayari. À te donner des calmants. Akupatie vitu vya kupoleza. De sa méchanceté. Uovu wake. Des calmants. De vitu ta vya souffrance. Kupoleza mateso yako. Pour que ili kwamba tu sois comme dans une drogue. Ukue kama vile uko chini una dawa za kulevya ndani mwako. C'est-à-dire, c'est grave. Ni kusema ni hatari. Mais on est habitué. Lakini umeshazoea. Ça fait 3 jours on n'a pas à manger mais tulishazoea. Nakuwa siku 3 watu kule. Watoto mkae pale, mkunywe ile mai. Mkunywe mai watoto. Mkunywe mai tulale. Vive de l'eau. Mungu anajua. Dieu connaît, Dieu sait. Et puis on est déjà habitué à boire de l'eau et on dort. Na kisha umeshazoea kunywa maji na kulala. Tu vises quoi, Satan? Unatafuta nini shetani? Que nous on va vivre de l'eau à boire? Ya kwamba sisi tutaishi kupitia maji ya kunywa. Les autres ont sur leur table 5, 4, 8, mais wengine wanakuwa na chakula ya aina 8 kwenye meza yao. Je vous ai dit, nimewambia, poulet rôti, poulet grillé, poulet bouilli. Anakuwa na nyama ya kuku ya kuchomewa, ya kukalangwa, ya kutokoteshwa. Poulet brûlé. Na ya kulunguzwa. Ça c'est chez les voisins. Uku ni kwa jirani. Le parfait de sa table navigue au-dessus de la clôture. Na harufu tamu ya meza yake inakuwa inaenda. Et toi tu dois boire de l'eau, ça fait 3 jours. Na kisha wewe uko na kunywa tu maji siku 3. Et la journée, les enfants vont se débrouiller chez leurs amis. Na, et ils s'efforcent de manger quelque chose avant de rentrer chez eux. Na mchana watoto wanafanya yote waende kwa rafiki zao wakule kitu huko. Est-ce que tu évalues ce que c'est? Je uko na pima hii nini kabisa? Satan, tu vises quoi avec moi? Satan, unafuatilia nini pamoja nami? Et quand je vais avoir 5 ans, 10 ans dans ce genre de vie, na wakati naishi maisha kama na haya miaka 5. Qu'est-ce que je deviens? Ninakuwa nani? Regardez Psaume 125 verset 3. Tazama Zaburi 125 mstari wa 3. Car, maana, on peut le dire, tunaweza kuisema. Allez-y. Tuende pamoja. Car, maana, le sceptre de la méchanceté ya uovu ne restera pas sur le lot de juu ya sehemu ya walio haki. Ili kwamba les justes wenye haki n'étendent pas la main wasinyoshe mkono wao vers kuendea iniquité maovu. Qu'est-ce que tu vises, Satan? Unafuatilia nini Shetani? Je vise que les justes, nafuatilia kwamba wenye haki, à force de souffrir et de gémir, sababu wameteseka sana, à force de la sana, servitude, sababu wanakuwa chini ya utumwa, finissent par tendre les mains à l'iniquité. Mwisho wao wanyoshe mikono yao kuendea mabaya. N'avez-vous pas entendu ce genre de choses dans notre société de Goma? Hamjasikia mambo kama haya ndani ya jamii yetu ya Goma? Les invisibles, les visibles. Vinavyoonekana na visivyoonekana. Vous avez déjà entendu ça? Mmeshasikia hii? Quelle est l'explication? Nini ambao unaifasiria? On est très mal payé. Ah, si tunalipiwa vibaya basi. Moi j'ai des enfants à l'école. Moi nina watoto wa kusomesha. On est très mal payé, tu sais. Tunalipwa vibaya sana, si unajua? Pasteur. Mchungaji. Moi on me paye 300,000 francs. Mimi wananilipaka franka za kifungo. Et j'ai des enfants à l'université. Na nakuwa na watoto kwenye chuo kikuu. Comment tu trouves? Qu'est-ce que je vais faire? Unaona sasa mimi nitafanya nini? Qu'est-ce que je fais? Nitafanya nini? Si je ne fais pas ça, comment si fanye hii? Comment je fais étudier mes enfants? Nitasomesha watoto wangu namna gani? Comment je les nourris? Nitawalisha namna gani? Et puis il faut que mes enfants aussi étudient bien dans de bonnes écoles. Na kisha sunaona watoto wangu inaomba wasome ndani ya masomo mazuri. Matokeo, falsification de factures. Unaanza détournement. Kusema uongo ndani ya tiketi. Unaanza kuiba pesa. Rushwa. Vinavyoonekana visivyoonekana. Connu et inconnu. Inayojulikana na isiyojulikana. Le juste mwenye haki a déjà tendu les mains, ameshanyosha mkono vers l'iniquité, kuendea maovu. Certaines fois le diable peut nuire à toute une nation. Mara shetani anaweza kuharibu et compliquer le système économique d'un pays. Na anaharibu uchumi wa nchi. Afin que même les hommes d'affaires et femmes d'affaires, ils ne savent plus fonctionner. Hawajui tena kutumika. Comment on fait? Tunafanya namna gani? Si je paye toutes les taxes, nikilipa kodi zote, je tombe en faillite. Nina homba. Conséquence, matokeo, je tends la main à la fraude. Ninanyoshia mkono kwa wizi kupitisha vitu vibaya. Si les taux des taxes prennent plus de 50% de mes intérêts, il me faut combien d'années pour prospérer? Kama kodi zinakuwa kipande ya faida langu, inaniomba miaka ngapi ili niendelee? Je tends la main vers l'iniquité. Kama ni hivyo ninanyoshia sasa mkono wangu kwa maovu. Je fais comme les autres. Na ninafanya kama wengine. Quelle visée le diable est en train de poursuivre? Shetani anafuatilia shabaha gani? Il veut arracher ta main de la justice. Anahitaji aondoe mkono wako kutoka haki. Et te l'amener sur l'iniquité. Na upeleke kwenye maovu. Pourquoi le diable te force? Sababu gani shetani anakukaza? Et te maintient dans le célibat. Na nakushikilia ndani ya kukosa mume au mke. Tu es une femme comme les autres. Uko mwanamke kama wengine. Avez-vous pas entendu ces sœurs qui disent je fonctionne bien? Na haujasikia wale wanawake ambao wanasema. Mais le mari ne vient pas. Niko na wote lakini wanaume hawakuji. Alors je fais comment? Sasa nitafanya nini? Oh, si je fonctionne. Sina mimi niko na vyote ambao wanaume wanakuwa. Et pourquoi le diable met la main et bloque le mariage? Sababu gani shetani anasimamisha ndoa? Il veut t'amener à tendre la main vers l'iniquité. Anahitaji aondoe mkono wako upeleke kwa maovu. Wanze jisaidia hapa. Mina jisaidia kana fulani. Unajisaidia. Je suis en train de m'aider avec quelqu'un. Ama uko najua. Tu es en train de te tuer. Unajua. Tu es en train de te tuer. Au unajisaidia. Ou bien tu es en train de t'aider. Et on va prier tout à l'heure. Tutaomba hapa usoni. Mais j'aimerais vous montrer quelque chose. Lakini ningependa nionyeshe kitu kimoja. Je vais parler de la troisième. Sikuzungumzia cha tatu. Regardez. Tazama. La troisième chose qu'il faut retenir. Jambo la tatu ambayo inaomba kushika. Et ce qui a fait que David et ses hommes pleurent. Na ambao ilifanya kwamba Daudi na watu wake walie. C'est voir. Ni kuona. L'état final. Hali ya mwisho. De ton sort. Ya ile unayoishi. En bien. Kwa mema, comme en mal. Ama kwa mabaya. Je répète. Narudilia. Voir. Kuona. L'état final de ton sort. Hali ya mwisho ya ile unayoishi. Comme en mal. Kwa mema ama kwa mabaya. En bien, c'est-à-dire. Kwa mema ya manisha. Tu viens de sortir du sceptre. Umetoka kwenye fimbo. Quel bonheur. Oh furaha gani. En mal. Ndani ya mabaya. Tu n'arrives pas à sortir du sceptre. Hawezi kutoka chini ya ile fimbo. Et tu es foutu dedans définitivement. Na umeharibika humo ndani basi. Voilà pourquoi mes frères. Tazama sababu David et ses hommes. Daudi na watu wake. Sont obligés. Wanashurutishwa. De pleurer. Wanaomba kulia. Ils ne savent pas. Hawajui. Leur bien, leur famille ont pris quelle direction? Ils sont allés au nord ou au sud. Si on doit poursuivre, ça fait combien de jours que c'est parti? Ils étaient passés par où? Ils sont allés au nord ou au sud? Ils ne savaient pas. Mais quel bonheur si je retrouvais ma femme. Quel bonheur si je retrouvais mes vaches et mes moutons. Quel bonheur si je retrouvais mon or et mon diamant. Mais quel malheur si c'est ça que je vis qui devient mon dernier sort. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je naongea na mtu jioni ya leo. Bwana sifiwe. Amina. Bwana sifiwe. Amina. Est-ce que vous m'avez compris? Je mumenielewa. Qui a compris jusqu'ici? Nani ambaye ameelewa hadi hapa? Okay. Tu es prêt à pleurer? Uko tayari kulia? Ne t'étonne pas si tu vas voir le voisin pleurer et te dire iko mbona analia sana. Usishangae ukiona jirani analia sana na unasema analia sana. Unalia nini? Pourquoi tu pleures beaucoup comme ça? Sois fort. Kuwa na nguvu. On a l'habitude de dire aux gens sois fort, sois forte. Tunahitaji kuambia watu jipe moyo. Toi qui dis sois fort, tu n'as pas évalué ce que elle est en train de dire. Wao uko namwambia jipe moyo. Wao hujaona ile ambayo uko naacha analia. Sois forte maman. Uko na nguvu mama. Papa courage, courage. Oh jipe moyo baba. Eh courage. Jipe moyo. Si tu comprends ce que je comprends. Je unaelewa ile ambayo mimi naelewa. Dans ce tableau là. Ndani ya hii ubao. Au troisième point. Kwa nukta ya tatu. David et ses hommes. Daudi na watu wake. Après avoir regardé le sort ou l'état final. Kisha kuona ile matokeo yao ya mwisho. On reste comme ça ici. Ama tunabaki hivi hapa. On va commencer à se remarier. Tutaanza kuoana oana. Soit ama on retrouve nos familles et nos enfants. Tunapata jamaa zetu na watoto wetu. Je vous dis ça, c'est un moteur de production massive d'énergie. Nawaambia hii inakuwa kitu ambacho nakuletea nguvu kubwa. Leur cœur se sont retrouvés dans un laboratoire. Mioyo yao zikajikuta ndani ya kiwanda. Dans un laps de seconde. Na kwa dakika après kidogo. Après qu'ils aient compris. Kisha kuelewa. Que nous choisissons. Ya kwamba tunachagua. De retrouver nos femmes et nos biens. Kupata wake zetu na mali yetu. Et ils ont cessé de pleurer. Wakaacha kulia. Ils sont descendus. Wakashuka. En cours de route. Nanjiani. Ils étaient si fatigués. 200 d'entre eux étaient fatigués. Walikuwa wamechoka. On ne peut plus avancer. David dit, bon, vous pouvez rester. Hatuwezi tena kuendelea. Que ceux qui sont encore forts, qui sentent qu'ils ont l'énergie, on y va. Wale ambao wanajisikia wangali na nguvu, wakona nguvu twende. Ils étaient dans ce stade-là. Walipokuwa ndani hali kama hiyo. Ils rencontrent un petit, un jeune homme égyptien. Wanamkuta kijana mumisri. Qui est mourant. Or, il était serviteur d'un messieurs de l'équipe. Ijapokuwa alikuwa mtumishi wa bwana mmoja ambaye alikuwa ndani ya timu aide un peu à le faire survivre. Na Daudi na watu wake wanamsaidia kwa maji. Wanampa chakula. On lui donne à boire. Wanampa maji. Anapata tena nguvu. Na Daudi anamwambia kuja hapa. Toi c'est qui? Wewe ni nani? Oh non, en fait, j'étais serviteur d'un des hommes de l'armée. De l'autre côté. Mimi nilikuwa mtumishi mmoja wa watu wa jeshi. Nous étions là-bas, on était là. Et puis on est passé à Tchiklag. On a brûlé cette ville-là. Tukapika Zikilagi na tukaunguza ule mwili. Yeye aelewa ya kwamba iko na ongea, iko na pana habari zote. On est passé à Tchiklag. Tukapita Zikilagi. On a brûlé la ville. Tukachoma mji. Et puis on a pris les femmes et tout le monde. Tukachoma wanawake kila mtu. On a tout ramassé et on est parti avec. Tuwa vyote na tukaenda pamoja nao. OK. Et c'est qui? Oh, ce sont les Amalécites. Oh, ni Amalécites, ah. C'est la contre-terre. Okay. Ni kule ngambo kule. Est-ce que tu peux nous amener, tu nous guides pour y arriver? Unaweza tuongoza tufike kule. Il y a condition que vous ne me tuez pas. Anasema tu shuti moja msinu. Vous ne me livrez pas à mon chef. Ama msinitoe kwa bwana wangu. Sawa, sawa. Écoutez-moi, okay. Frère sœur. Nisikilize ndugu na dada. L'évaluation uchunguzi permet inafanya kwamba que tu retrouves aussi upate pia les décisions ou les formats des décisions à prendre. Aina ya maamuzi ambayo utayachukua. Lorsque tu n'as pas évalué. Wakati wewe hukuchunguza kitu. On va dire prions le Seigneur. Watasema tumuombe Bwana. Que chacun commence à se dégager. Kila mtu aanze kujifunga. Du sept de la méchanceté. Toka fimbo ya uovu. Tu commences à prier. Na unaanza kuomba omba. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Si on t'arrête, on dit arrêtez un peu. Wana kusimamisha unasema sema. Kwa jina la Yesu. Wewe ulikuwa unasema kwa jina au nom de Jésus, viens ici. Tu priais quoi? Ulikuwa naomba nini? Mais on a dit qu'on prie, non? Si vous allez sema tuombe. Si vous allez sema tuombe. Tu as dit prions. Tu lishaanza kuomba. Nous avons déjà commencé à prier. Tu viens d'arrêter la prière. Tu es en train de prier quoi? Est-ce que tu comprends ce que tu pries? C'est unaelewa ile ambayo unaiomba. Conséquence. Matokeo. Si on dit wakisema. Ok, les grâces insondables na kwa murefu ya 2 semaines tunaikata na kwa 5 jours. Les grâces insondables il y a beaucoup de jours. Comme tu n'avais pas évalué. On va ramener à 5 jours. Je sais au pima. Le défi qui est devant toi. Tatizo lio mbele yako. Tu vas dire pasteur ni sawa. Utasema mchungaji. Mungu aisha sikia na toshi. Tu as déjà écouté. Tu as déjà exaucé. Ça suffit. Quand tu n'as pas évalué. Wakati ya ukupima. Et que les jeunes deviennent rudes. Na kwamba vijana. Premier jour c'était hier. Deuxième jour aujourd'hui. Si kuya pili tu te mesures si tu as pesé. Na unaanza kujipima. Tu avais 70, c'est maintenant 67. Ulikuwa na kilo makumi saba. Demain mercredi c'est déjà 63. Siku ya tatu inakuwa makumi sita na tatu. Et puis ça devient 60. Na kisha naanza enda shuka tu makumi sita. Tu commences à te regarder le miroir. Unaangalia ndani ya kioo. Tu as l'impression que les yeux sont entrés dedans. Unaanza kuona macho mengi ndani. Même les trous de la ceinture. Na hata unaanza kutoboa mkaba. Tu commences à aller dans les trous suivants. Unaanza kuona mkaba endelea kwenye tunda kufuata na mchungaji anakuja. Chers amis. Oh warafiki. Les jeunes là est dur. On arrête la prière ici. Alléluia. Amina. Est-ce que tu es déjà exaucé? Pas encore. Apana. Quel est ton problème? Sidako ni gani? Tu n'as pas évalué haukupima la gravité de ta situation. J'aimerais dire à quelqu'un, mes frères, on doit cesser de se complaire. Et puis j'ai dit au papa, vous qui n'étiez pas là, je vous le dis aussi, c'est le temps de cesser de se contenter de petites réussites. Ni wakati wa kuacha kutosheka na kufaulu kidogo. De petits succès. Kufaulu kidogo. Tu as commencé à réussir un peu là. Umeanza kufanikiwa kidogo tu. Sawa. Ah, ok. Unashiba ni sawa. Tu es rassasié, je laisse par là. Laissez-moi. Nilisha fika. Je suis déjà arrivé. Musogeye, mimi nataka kula. Serai de l'autre côté, je vais manger. Attends. Ngoya kwanza kidogo. Juste une petite réussite. Kufaulu tu kidogo. La vie s'arrête. Maisha naishi hapo. Notre société est abîmée. Jamii yetu imeharibika. Parce qu'à force de la souffrance atroce de depuis des décennies. Sababu kupitia mateso ya hatari ya tangu miaka zilizopita. Et que même pour atteindre la petite réussite. Na kwamba ili ufikie kufaulu kidogo umetoa jasho. Et on s'est dit, acha ni shukuru Mungu kwa hii. Tu dis maintenant, laissez-moi remercier le Seigneur pour ça, ça suffit. N'est-ce pas qu'il arrive aux sœurs? Sinafikia wadada. À force d'attendre les maris. Sababu wamemchunga mume sana. Et que finalement, il y a un monsieur qui arrive. Na kwamba kwa mwisho kuna bwana moja ambaye anafika. Non autrement identifié. Ambaye hawamjui. Qu'est-ce qu'on dit? On ne sait jamais. Mutu hayuaki. On sait jamais. D'accord, najitengenezea huyu. Je vais l'arranger moi-même. Mimi mwenyewe nitajitengenezea. Mama. Mama baba. Évalue. Suchunguze, upime. Évalue. Pima. Najikatengenezea nishibaka kabwana. Je vais l'arranger moi-même. Chers amis, rafiki wapenzi, il est temps qu'on s'arrête. Ni muda tusimame. Et qu'on considère na tuweze kutazama que au commencement, ya kwamba mwanzo, dans le cœur de Dieu, ndani ya moyo wa Mungu, il veut de bonnes choses pour nous. Anahitaji mambo mazuri kwa ajili yetu. Il veut de grandes choses pour nous. Mambo makubwa kwa ajili yetu. Il veut de bons mariages pour nous. Anahitaji ndoa nzuri kwa ajili yetu. Anahitaji mume correcte. Waume wa kweli. Des épouses correctes. Wanawake wa kweli. Mais la souffrance. Lakini mateso. Nous fait attraper même n'importe quoi. Inaweza kuachwa na tuwa ya haizuri kitu gani? Finalement, tu as commencé à tendre la main à l'iniquité. Kwa mwisho manza kupeleka mkono wako kwa mwovu. Jinsi mume akuje. Il faut commencer à marcher avec tes richesses sur la main. Inaomba sasa uanze kutembea na utajiri wako mkononi. Les seins sur les plats. Matiti yako yanakuwa kama kwenye sahani. Unakufa nini? Unakufa nini? Il y a des trucs qu'on fait là. Kuna vitu ambavyo navifanya. Et puis comme c'est à l'église où on peut trouver des bons maris. Nanjisi ni kanisani ndipo naweza kuwapata wazuri. On vient avec ces choses à l'église. Unaleta hivi vitu kanisani. Parce que si je vais avec ça à la vallée de l'ombre de la mort. Nikienda navyo kwenye bonde la mauti. Je vais attraper un monstre qui va me manger là-bas. Nitapata kisimu ambacho kitanikula huko. Alors je viens avec à l'église. Sasa nakuja navyo kanisani. Bon frère. Kuna kuwa wa ndugu wazuri. On peut avoir un bon mari là-bas. Tunaweza kupata mume mzuri huko. Qu'est-ce qui se passe? Nini yapitikana? Tu es en train de souffrir. Uko nateseka. Le psaume 125 verset 3. Na Zaburi 125 mstari wa 3. B. Ile sehemu ya pili. De peur qu'il n'étende les mains vers l'iniquité. Ili kwamba sinyoshe mkono wake kwa maovu. Tu es déjà en train de tendre les mains dans l'iniquité. Uko na nyosha mkono wako tayari kwa maovu. Tu es déjà dedans. Umeshaingia ndani. Bien-aimé, wapendwa. J'aimerais qu'on prenne ce temps là pour prier. Ningependa tuchukue muda hiyo kwa kuomba. Il y a beaucoup de choses qu'on parle, qu'on doit parler. Kuna vitu vingi ambavyo tunazungumzia, lakini ningependa niwaambie kitu moja. Les agents de la méchanceté. Wanaotumika ndani ya uovu. Notez ça. Andika hii. Les agents de la méchanceté. Wanaotumika ndani ya uovu. Sont eux-mêmes. Wao wenyewe. Sous le sceptre de la méchanceté. Wako chini ya hii fimbo ya uovu. Prenez un sorcier. Umchukue tu mchawi. Il est lui-même. Yeye mwenyewe. Alors que c'est lui qui cause du tort aux autres. Itapokuwa yeye ndiye anawatesa wengine. Il est lui-même sous le sceptre de la méchanceté. Yeye mwenyewe yuko chini ya fimbo ya uovu. Vous savez le sceptre de qui? De son chef. Unajua fimbo ya nani? Fimbo ya mkubwa wake, bosi wake. Quand les gens viennent te solliciter à l'université, wakati tu vois, c'est juste la science. en fait, c'est toi, tu vois, tu es intelligent. Les genres d'enfants gens, les genres d'enfants gens, les genres d'enfants gens, les genres d'enfants gens, les genres d'enfants gens, les genres d'enfants gens, les genres d'enfants gens. Plus loin. Nanimeweza kufikiria hiyo sasa. Je voudrais que vous restiez calme et que vous écoutiez ça. Ningependa mubaki kimya na muisikilize. Écoutez-moi. Munisikilize. Je vais parler bas. Nitazungumza kwa sauti ya chini. Satan. Shetani. Au commencement appelé Lucifer. Mwanzoni aliyeitwa Lusufero. Quelque peu même appelé l'astre brillant. Na alikuwa naitwa nyota ya kung'aa. Chargé de la louange au ciel. Alikuwa naimbisha sifa mbinguni. Décide de faire un coup d'état de son créateur. Anaamua kupindua mamlaka ya muumbaji wake. Et il commence une guerre. Na anaanza vita. Il recrute des anges. Na anaandika wa malaika ndani ya timu yake. Et il est efficace. Na anakuwa kabisa na nguvu. Dans Apocalypse 12 verset 7 et suivant, il est écrit: et Michael combattit. Biblia inasema ya kwamba Michael contre le dragon. Akampiganisha. Mais le dragon ne fit pas le plus fort. Lakini Dagoni hakuwa mwenye nguvu kubwa. Il fut précipité. Akasuswa. Suivez-moi. Munifuate. Satan. Shetani. Tu es devenu Satan. Umekuwa Shetani. Tu es devenu dragon. Umekuwa Dagoni. Tu es devenu l'accusateur de frères. Umekuwa anayewa. Tu es devenu le menteur. Umegeuka msema wangu. Il est écrit il ment depuis le commencement. Imeandikwa ya kwamba yeye ni msema wangu. Il est écrit il pêche depuis le commencement. Imeandikwa anatenda dhambi tangu mwanzo. Écoutez-moi. Munisikilize. Il vient de recruter un tiers des anges. Amewaandika, amewaleta ndani ya kundi yake sehemu moja juu ya tatu ya malaika. Et puis les anges entrent dans ce coup. Na kisha wa malaika wanaingia ndani ya hii. Ils se battent contre les autres anges. Na wanaanza kupigana na wa malaika wengine. Quand la sentence tombe, wakati malipizi inaanguka, ce n'est pas seulement Satan qui est précipité. Haiko tu Shetani ndiye anashushwa. Mais même aussi, lakini pia ces anges, malaika wake. Quand il recrutait, wakati alipokuwa anawaandika, il n'a pas dit aux autres anges, akuambia wa malaika wengine, venez avec moi. Mukuje pamoja nami. Si on réussit à faire un coup d'état de Dieu, tukiweza, nous allons nous asseoir sur le trône. Mamlaka ya Mungu tutaikala kwenye kiti cha enzi. Si on échoue, na tukishindwa, on va nous précipiter. Watatushusha. Il n'a pas dit ça à ses amis. Akuambia hiyo wa rafiki zake. Grave encore. Ya hatari tena sana. Il ne leur a pas dit. Akuambia. L'opération dans laquelle nous entrons. Ya kwamba hiki kitu tunachoingia ndani inamaanisha on est candidat en l'enfer. Hapa kabisa sisi ni wakandideti kwa moto wa milele. Satan. Shetani. Si tu aimes tes amis anges. Kama unapenda rafiki zako wa malaika. Mais tu ne dois pas quand même les entraîner dans une affaire qui va les amener en enfer. Haupashi waingiza ndani ya kitu ambacho tawapeleka ndani ya moto wa milele. À quoi c'est méchant? Inakuwa vibaya namna gani? À quoi Satan est méchant? Shetani ni mubaya ndani ya nini? Parce qu'il n'a pas montré à ses amis sa visée. Sababu kuonyesha rafiki zake le résultat final. Ama matokeo ya mwisho. L'état final. Hawakuonyesha hali ya mwisho. De la chose en laquelle ils entraient. Ya kitu ambacho ndani mwake aliweza kuwaingiza. Il en est de même. Na ni hivyo hivyo. Ces hommes êtres humains aujourd'hui. Ya hawa wanadamu leo. Qui vont dans l'occultisme. Ambao wanaingia ndani ya usuda. Très souvent. Mara nyingi. Ceux qui les recrutent. Wanaoandika. Ne leur dit pas. Hawawaambie. Tu entres dans notre ordre. Awaambia kwamba unaingia ndani ya oda yetu. Et nous irons en affaire. Na lakini tutaingia ndani ya moto wa milele. On le dit pas ça. Awaambia yake hivyo. Le diable a dupé beaucoup de gens. Shetani amewadanganya watu wengi. Il a dupé les anges. Amewadanganya malaika. Et il a dupé les êtres humains. Na amewadanganya wanadamu. Et quand tu rencontres un sorcier, na unapomkuta mchawi, tu lui poses la question. Na muuliza swali. Pourquoi tu vas dans ces choses? Sababu gani unaingia ndani ya mambo haya? On a le pouvoir. Sino na huko tuna mamlaka. On a l'autorité. Una uwezo. Dans la famille on me respecte. Ndani ya jamaa wananiheshimu. Ils disent on a l'argent. Wanasema tuna pesa. Tu vois moi je reçois $5,000 par jour. Sino na mimi napokea ka dola 5000 kwa siku. Mais souvent il ne te dit pas. Na mara akuambie. Que la condition c'est qu'il finisse les 5000 le même jour. Ya kwamba suti ni kwamba anapaswa maliza ile dola 5000 ile ile siku. Si tout n'est pas le finir sur les bonnes choses. Na kwamba asimalizie kwa vitu vizuri. Parce que ça serait intéressant si ça t'a faisait ça. Sababu ingekuwa vizuri Shetani. Finis les 5000 sur les bonnes choses. Unamalizia ile dola 5000 kwa vitu vizuri. Je vais là-bas. Ah, nikienda 5000. Chaque jour, j'amène 4800 à l'église. Dans l'œuvre de Dieu. Et puis l'œuvre de Dieu avance. Et au pire, l'enfer aura rempli le ciel. Mais la condition généralement c'est il ne faut pas utiliser cet argent sur les bonnes choses. Utilise-la pour honga. Uitumie kwa kuwahonga wanawake makahaba. Il faut coucher avec 15 femmes par jour. Inomba kulala makahaba 15 kwa siku. Puis c'est des trucs. Il faut pas bien utiliser. Il faut aller dans les bars, tu payes pour tout le monde. Ya vilabo, il faut usie pombe watu wote. Il faut voyager de manière imbécile. Inomba kusafiri kama wanawake. Il faut être censé quoi là. Inomba kwa kama wanawake. C'est ça, OK. Nivyo. OK, je zaleo zimeisha. Kesho nafika. Demain arrive. Donnez-moi pour demain. Ngoya kwanza. Même si tu dois coucher avec 15 femmes. Hata kama utalala na wanawake 15. Ça marche hier. Mambo iliendeka jana. Demain ça va pas marcher. Lakini kesho haitaendeka. Et dans 3 semaines, ça ne saura plus marcher. Na ndani ya wiki 3 haitaendeka tena. Tu es tellement insensé. Si wewe uko kama kichaa. Les choses que le diable ne te dit pas. Vitu ambavyo shetani hakuambii. C'est que tu acceptes ça. Ni kwamba nakubali hiyo. Et tu deviens candidat à l'enfer. Na unakuwa candidate wa kuchaguliwa kuingia ndani ya moto wa milele. Hein, les filles. Un garçon vient et il chante dans tes oreilles. Kijana anakuja na kalitoi. Anakutia litoi kabisa ndani ya masikio. Et il te chante dans tes oreilles comme des abeilles. Et puis te chante des cantiques, te chante et te chante. Et puis après il te dit mon Dieu, et puis si ça gâche, je t'épouse. Anakuambia kwamba mambo yakiharibika ninakuoa. Pas épousage, ndio hivi nakuaka. Je ndoa, hivi ndio zinakuaka kabisa. Ndio hivi nakuaka basi. Est-ce que c'est comme ça? Il y a pas moyen d'attendre un épousage mieux que ça? Je hatuwezi chunga kabisa ndoa nzuri kuliko hii. Et puis si tu es grosse, ce n'est pas un problème. Na kama una mimba, je vais te prendre, tu vas être même ma deuxième femme. Nitakuchukua utakuwa hata mke wangu wa pili. Je deviens ta deuxième femme. Ninakuwa mke wako wa pili. Quelle est l'implication? La guerre ouverte avec la première. Ni kusema ninaanza vita pamoja na avec les enfants de la première femme. Na pamoja na watoto wa mwanamke wa kwanza. Quelle autre conséquence? Matokeo mengine gani? Les enfants de la première femme ne savent plus étudier. Watoto mwanamke wa kwanza hawatasoma tena. Tu vas mener ici. Utaleta pesa. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu évalues? Je unaelewa? Je unapima? Le gâchis, c'est que le diable entraîne les gens comme dupés. Kitu mbaya ni kwamba shetani anawapeleka watu huko kama vile watu ambao wanadanganywa. Et quand il vous prépare dans sa bêtise, na ambao anapowatayarisha ndani ya mazara yake, il crée des méchancetés ou des souffrances préalables. Anakuwa na umba mateso ya mbele kwanza. Au point que vous devenez collaborant. Na unaanza kuwa mtu wa kushiriki pamoja naye. Mais quand vous collaborez, na mnaposhiriki, il ne vous autorise pas de poser de bonnes questions. Hata kuruhusu ulize maswali mazuri. Vous qui avez été dans l'occultisme, vous savez, il n'est pas autorisé de poser de bonnes questions. Nyinyi ambao mmekuwa ndani ya usuda mnajua hairuhusiwi kuuliza maswali. Si tu poses à Satan la question dans votre réunion, ukiuliza shetani ndani ya mkutano wenu mkubwa. Est-ce que je peux être ici tout en étant chez Jésus? Je naweza kuwa hapa nikiwa kwa Yesu? Ça, c'est une bonne question, non? Si, ni swali nzuri. Là, la Chine. Où t'as pas ta fille? Couche par terre. On va te tabasser. Et si tu poses la deuxième question, na, ukiuliza swali la le pile, fait que nous t'avons beaucoup servi là, kitu kwamba tumekutumikia, est-ce qu'on a quelques garanties pour aller au ciel? Je, tunakuwa na uhakika ya kwenda mbinguni. Il va te poser quel ciel? Anakuambia mbingu gani? Et les anges hata wa malaika déchus ambao walishushwa, et les sorciers hata les magiciens wa, et tous ces gens fumu, na wale watu wote ils sont dupés, wanadanganywa, ils sont dupés, wanadanganywa. Comment échapper? Namna gani kuondoka? Évaluer ta souffrance, kuchunguza, kupima mateso yako. Évaluer, pima, les visées. Ambayo nafuatilia. Les visées du diable. Ambayo shetani nafuatilia. Troisièmement. Ya tatu. Évaluer. Kufuatilia. Les résultats. Matokeo. Dont tu as besoin. Ambayo unahitaji. Pour ta vie. Lève-nous. Juu ya maisha yako simame. Lève-nous mes frères. Tusimame ndugu zangu. Levons-nous, s'il vous plaît. Tusimame tafadhali. Nous voulons prier un instant. Tunatamani kuomba kwa muda. Nous voulons prier. Tunatamani kuomba. David. Daudi. Ramena. Tu. Akarudisha yote. David. Daudi. Ramena tu. Akarudisha yote. Dieu dit à David. Mungu anamwambia Daudi. Tu poursuivras. Utafuatilia. Tu atteindras. Utafikia. Et tu délivreras. Na utafungua. Commence à prier le Seigneur. Anza kumwomba Bwana. Tu as eu le temps d'évaluer ton cas. Umekuwa na wakati wa kupima hali yako. Commence à prier sérieusement. Anza kuomba kikweli kweli. Commence à prier. Anza kuomba. Quelqu'un doit dire. Tu m'as dupé pendant longtemps. Umenidanganya muda mrefu. Tu m'as dupé pendant longtemps. Umenidanganya muda mrefu. C'est fini. Imekwisha. C'est fini. Imekwisha. Tu m'as trompé pendant longtemps. Umenidanganya muda mwingi. Tu m'as trompé pendant longtemps. Umenidanganya muda mwingi. Aujourd'hui. Leo. C'est fini. Imekwisha na wewe. Seigneur, remonte ton cœur, remonte ton cœur. Wendo kamwenge roho yako. Remonte ton cœur. Remonte ton cœur. Anga roho yako. Remonte ton cœur. Anga roho yako. Quelqu'un prie, s'il vous plaît. Kuna mtu anaomba tafadhali. Quelqu'un prie, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Kuna mtu anaomba tafadhali. Ton sort est devant toi. Maisha yako ni mbele yako. Le sort de ta vie est devant toi. Matokeo ya maisha yako iko mbele yako. C'est à toi de faire le choix. Na ni kwako kuchagua. Tu dois faire le choix. Napasa chagua. De rester sous la servitude. Ubaki chini ya utumwa. Sortir de la servitude. Ama kutoka ndani ya utumwa. Tu dois sortir. Unapasa toka. Tu dois sortir. Unapasa toka. Tu dois poursuivre. Unapasa fuatilia. Tu dois poursuivre. Unapasa fuatilia. Quelqu'un doit ramener ce qui est à lui. Kuna mtu anapasa rudisha ile mali yake. Quelqu'un doit ramener son emploi. Kuna mtu ambaye anapasa rudisha kazi yake. Quelqu'un doit fider. Kuna mtu ambaye. Les intérêts du diable sur sa vie. Ambaye anapasa kuondoa fedha za shetani juu ya maisha yake. Oh! Akakakara mama nore. Eka In the mighty name of Jesus, Lord my Father, Lord my Savior, Lord Jesus, come, oh Lord, have your way in this meeting, have your way, Lord, release your life, release your deliverer, release your power, oh, in the name of Jesus Christ, Seigneur, libère ta puissance, Seigneur, libère ta vie. Seigneur, retire quelqu'un des filets des sorceleurs. Dieu, quelqu'un invoque l'Éternel, quelqu'un invoque Yahweh, quelqu'un invoque le roi des rois, quelqu'un invoque le Dieu puissant, quelqu'un invoque le Saint-Esprit. Père, viens! Seigneur, ta parole est la vérité. Et il est prévu que je connaîtrai la vérité. Et la vérité m'affranchira. Je suis en train d'écouter ta parole. C'est ta vérité. Que cette vérité m'affranchisse. Affranchisse. mon système de fonctionnement, affranchisse mes pensées, affranchisse mon âme, affranchisse mon esprit. À partir de ce lundi, amène-moi dans les profondeurs de la prière. Dégage-moi de la négligence, de la superficialité dans la prière. Oh Dieu, rends-moi profond dans la prière. Oh Dieu, je te prie et je te supplie, ouvre mon esprit afin que je comprenne les Écritures. Ouvre mon esprit afin que je voie clairement ma situation, que je voie clairement la méchanceté dont je suis victime, pour que je me lève comme David, que je poursuive, que j'atteigne et que je libère mon lot. Seigneur, ce soir je te dis merci car tu as commencé avec moi. Maintenant tiens-moi la main et accompagne-moi dans ce combat. Dieu vivant, tu es le même, tu n'as pas changé. Et toi Satan, tu as déjà été vaincu. Tu vas lâcher mon lot. Les sorciers, vous allez lâcher mon lot. Principautés dans les lieux célestes, domination, autorité, prince du monde des ténèbres, esprit méchant dans les lieux célestes, vous allez lâcher mon lot. Vous allez lâcher mon lot. Vous allez le lâcher. Vous allez lâcher ma vie. Vous allez lâcher ma vie. Vous allez lâcher. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Caraba carabo sherebo rabaya. Guerria carago chacarebosa. Et te kerekeche. Ika kaka kayabasa. Eria da kayabo. Da kayabo. Le kayabe. Le kayabe, lo kerebaya, le katakataya, lisoma yebase, lisoribola, yerida gaya, rakamayado, ena kayage, yakareboya, rakasheda, irebadeya, le kalugesia, lo kalabaya, in the mighty name of Jesus. Je vous commande de les lâcher. Je vous commande de les lâcher. Je vous commande de les lâcher. Je vous ordonne de les lâcher. Je vous ordonne de les lâcher. Je vous ordonne de les lâcher. Je vous ordonne de libérer cette femme. Je vous ordonne de libérer cet homme. Je vous ordonne de libérer cette entreprise. Libère. Libère. Libère. Libère. Au nom de Jésus. La la la la la la la la la. Je connais que ça. La moya ni ma komi kama. Komi pesa komi ba. O konzo ya konga na yaso. Kanyango, kanyango na koka ni sana yo. Kani kono pia wanase. Kona katia mote manata. Je connais que c'est l'amour. On va prier pour le pays. Amène le drapeau ici. Levons tous la main vers notre drapeau. Et prions pour le Congo. Le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le Congo. Prie le Seigneur. Prions. Le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur mon pays. Ne restera pas sur la RDC. Ne restera pas sur mon peuple. Ne restera pas sur les villes. Sur les villes, les villages, les forêts, les minéraux. Le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur les richesses. Ne restera pas sur le peuple congolais. Le sceptre de la méchanceté ne restera pas. Dieu est au rendez-vous. Mungu iko hapa. Les gens watu qui ont été sous le sceptre ambao walikuwa chini ya fimbo de la méchanceté ya uovu doivent sortir sheti watoke pour devenir une grande armée ili wawe jeshi kubwa. Une armée de la justice. Une armée de la vérité. Une armée de Dieu. Laisse-moi te dire, ça a été dur. Ton parcours dans la servitude. Mais la fête arrive. Dieu dit à Moïse, Mungu anamwambia Musa, dis au peuple, ambia watu, les Égyptiens que vous voyez, wa Misri munaoona, et qui vous pressent de près, na mbao mbao wana, vous ne les verrez plus. Hamutawaona tena. Ils vous ont écrasé. Wamewavunja. Les démons vous ont écrasé. Mapepo yamewavunja. Les situations vous ont écrasé. Hali za maisha zimewavunja. Le temps est arrivé. Muda umetimu. Thank you. Le temps est arrivé. Muda umetimu. Votre vie est devenue la pleine expression de la phrase de Dieu dans le jardin d'Eden. Quand Dieu dit à la sueur de ton front, tu mangeras. Et puis Jésus est venu. Il a payé la facture. Jésus avait raison et il dit: le prince de ce monde vient. Il n'a rien à moi. Le prince de ce monde exerce la méchanceté. Mais maintenant, nous entrons dans la saison où tu diras à Satan: qu'est-ce que tu cherches? Tu n'as rien à moi. Auna chako ndani mwangu. Sina biako. Non. Je passe qui t'appartient. Sina biako. Je passe qui à toi. Et ce temps a sonné. Na muda huo umetimu. Mais il y a un travail à faire. Lakini kuna kazi ya kufanya. Quand Dieu vient de parler à David. Mungu anapoongea na Daudi. Et lui dit. Anamwambia. Vas-y, tu réussiras. Wende utafaulu. Si David était congolais. Daudi angekuwa mkongomani. Il allait commencer à fêter. Angeanza kufanya karamu. Avant d'aller combattre pour récupérer ses familles. Mbele ya kwenda kupigana ili atoe jamaa lake. Dieu vient de dire. Mungu amesema. Des paroles glorieuses sont sorties de sa bouche. Maneno mazuri yametokea kinywani mwake. Ces Égyptiens que vous voyez. Wa Misri hawa mnaoona. Et qui vous ont écrasé pendant 430 ans. Hawa wamewafunja muda. Vous ne les verrez plus. Makumitatu hamtawaona tena. Mais il y a quelque chose à faire. Lakini kuna kitu cha kufanya. Moïse. Musa. Lève ton bâton. Nyosha fimbo yako. Sur la mer. Juu ya bahari. Et fonds-la. Na wendo kaipasue. Une femme, un homme. Mwanaume na mwanamke. Doit se lever. Anapasha simama. Et prendre le sceptre de Dieu. Na chukue fimbo ya Mungu. Et fonds-la. Na anapasua. Il faut fendre la mer rouge. Inaomba kupasua bahari nyekundu. C'est pourquoi je vous dis. Ndio maana nawaambia. Demain matin. Kesho asubuhi. 6h à 7h15. Saa 12 za asubuhi hadi saa 1 na robo. 20h à 23h. Jioni leo saa 2 za usiku hadi saa 5. Et puis minuit au matin. Na kisha usiku kati hadi asubuhi. Si tu ne sais pas venir ici. Kama hauwezi kuja hapa. Fais ce programme même à la maison. Fanya mpango hiyo hata nyumbani. Le diable doit avoir chaud. Shetani inaomba kabisa apate. Et Dieu a dit. Mungu kasema. Si tu crois. Ukiamini. Tu verras la gloire de Dieu. Utaona utukufu wa Mungu. Quelqu'un acclame le Seigneur. Kuna mtu anashangilia Bwana. Amen. Cri de triomphe. Pamoja na kelele za ushindi. Cri de triomphe. Sur la grâce. Un instant. Dakika moja. Je vais accueillir mon frère. Nita karibisha ndugu yangu. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Nous sommes là pour partager cette grâce. Tunakuja hapa kwa kushiriki kwa neema hii. Et aussi de recevoir. Na kupokea. Amen. Vous avez les salutations de madame. Mna salamu za mke wake. Elle vous salue et elle vous manquez vraiment à elle. Anawasalimu mnamisi sana. Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Merci. Asante. Confessons la grâce. Tukiri neema. Oui. Hakika, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma siku vie. Zote za maisha yangu. Et j'habiterai la maison de l'Éternel nyumbani mwa Bwana jusqu'à la fin de mwisho wa maisha yangu. Amen. Amen. Of glory, of glory, of glory, of glory.